Les masses médias de divers pays ont rapporté le 25 août à l'unanimité la nouvelle de la réussite au lancement d'essai de l'engin balistique en plongée de sous-marin stratégique sous la direction du camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. L'agence de presse russe TASS, la CNN, l'AP, l'UPI et le journal Wall Street des États-Unis, les agences de presse Jeju et Gyodo, les journaux Nihongizai Shimbun, Tokyo Shimbun et Mainichi Shimbun et la NHK du Japon, Reuters et le journal Guardian de la Grande-Bretagne, l'agence de presse Chine Nouvelle, les réseaux Peuple, Planète et Information de Chine, l'agence de presse coréenne et l'AFP ont présenté en détail avec le titre « Le dirigeant Kim Jong-un souligne que la Corée possède complètement la capacité d'attaque nucléaire ». La télévision presse et la radio Fars Today de l'Iran ont informé de cette nouvelle avec la photo des activités révolutionnaires du maréchal coréen.